Les petites histoires de Telmi. Le vent des pirates. Yana était la plus grande aventurière des mers. Enfin, seulement dans ses rêves. Sur son île, personne n'avait le droit de s'aventurer au-delà de la barrière de corail. Les eaux étaient remplies de monstres et de pirates, sans foi ni loi. Un matin, alors qu'elle se baladait sur la plage, les pieds dans l'eau, la tête pleine d'aventure, elle s'écorcha le pied. L'excitation chassa la douleur à la seconde où elle aperçut la cause de son malheur. Une bouteille crasseuse couverte de vieux coquillages. Lorsqu'elle la ramassa, un bruit sourd résonna. Sans hésiter, elle tenta d'extirper le bouchon visqueux, mais sa main glissa. Après 10 tentatives ratées, elle opta pour une solution plus radicale, briser la bouteille à l'aide d'un gros caillou. Dans les débris de verre, un petit tube en cuir. Tremblante d'enthousiasme, Yana l'ouvrit. Il contenait un parchemin noirci d'un tas de dessins et de mots qu'elle ne comprenait pas. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était le vieux Sefou, le puits de connaissance de l'île. Il était toujours installé dans une minuscule cabane à l'entrée du village. Il s'y tenait assis en tailleur, au milieu de livres, de flacons, de sachets de poudre et de plantes, dont il était le seul à connaître l'utilité. Yana courut vers la petite cabane et d'un bond franchit les 5 marches qu'il fallait emprunter pour rejoindre le vieil homme. Il ne broncha pas. À travers ses yeux plissés, il fixa Yana. Elle s'assit en tailleur, reprit son souffle et lui raconta sa découverte. À la vue du précieux parchemin, les rides du vieil homme se mirent à danser sur son visage pour former un large sourire édenté. Ce parchemin était une carte, et pas n'importe quelle carte, une carte au trésor, et pas n'importe quel trésor, la rose des vents, l'unique joyau capable de commander au vent. Yana dut ravaler sa curiosité car son père l'appela pour déjeuner. À table, elle raconta tout à ses parents. Croyant à une nouvelle invention, ils l'écoutèrent d'une oreille distraite. Mais lorsqu'elle leur montra la carte, ils explosèrent d'un rire nerveux. « Cette carte n'était qu'une invention, un tel objet ne pouvait pas exister. Et si c'était le cas, comment comptait-elle braver les dangers des océans? Avec quel bateau allait-elle quitter l'île? Il n'y avait que des barques ici. Elle devait vraiment arrêter de rêver. » Vexée, Yana se leva de table et sortit. Elle erra un moment avant d'atterrir devant la cabane du vieux Sefou. Après avoir écouté ses malheurs, le vieil homme se leva dans un concert de craquements articulaires et l'invita à le suivre. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Ils marchèrent lentement, longtemps et en silence. Le ciel se teintait d'orange lorsqu'ils débouchèrent dans une petite crique. Là, caché dans une grotte masquée par la végétation, le vieux Sefou dévoila une pirogue à voile. Yana fut soufflée. C'était le bateau du grand-père du vieux Sefou, le Ho-Oro. La quête de la rose des vents était l'occasion parfaite pour le faire voguer à nouveau. Des jours durant, le vieux Sefou transmit secrètement à Yana tout ce qu'il savait de la navigation. Et un matin, alors que la lumière du soleil s'étirait paresseusement sur le monde, Yana prit le large. Sa première journée en mer lui donna l'impression de glisser sur du velours. Elle ne croisa pas l'ombre d'un danger, si bien qu'elle pouffa en repensant à tout ce qu'on lui avait raconté. D'un coup, de gigantesques vagues chahutèrent le Ho-Oro. Yana se figea de peur. Un poisson titanesque surgit des flots pour la gober. Une salve de boulets de canon le coupa dans son élan. Il n'eut pas d'autre choix que de s'enfuir. Un imposant navire, tout canon dehors, arriva à la hauteur du Ho-Oro. Un jeune mousse regarda par-dessus le bastingage. Ses joues étaient creusées, ses yeux cernés. Il devait avoir le même âge que Yana. Il lui jeta une échelle de corde. Une fois sur le pont, Yana resta muette. Elle ne savait pas quelle émotion choisir. La joie d'avoir trouvé de l'aide ou la peur en voyant l'homme qui s'approchait d'elle. Il avait un œil en moins autour duquel était dessinée une tête de mort. Sa barbe et ses cheveux avaient des airs de vieux chiffon moisi. Il lui lança un large sourire jauni. « Qu'est-ce que tu nous as remonté, Nolan? Comment t'appelles-tu, petite ?»« Yana. »« Eh, une chance qu'on passait dans le coin, Yana. T'aurais fini dans le ventre de Storeur des mers. Moi, c'est Pat le Borgne et eux, c'est mes gars. Qu'est-ce que tu faisais par ici avec ta coque de noix ?»« Je partais à l'aventure. » « Tiens donc !» C'est pas banal de nos jours. Je sais. J'avais pas le droit de quitter l'île. Tout le monde disait que c'était trop dangereux. Sauf que j'ai trouvé une carte. Une carte? Voyez-vous ça? Peut-être qu'on peut t'aider dans ton aventure. C'est vrai? Parole de Forban. Mais j'aurais besoin de la voir, cette carte. Tenez. Par tous les fléaux, c'est la carte pour trouver la Rose des Vents. Oui? Vous la connaissez? Mais comment? C'est le plus grand des trésors. Avec lui, je vais être le roi des pirates. Des pirates? Qu'est-ce que tu croyais, petite? Qu'on était des chevaliers ou des marchands? Jack, jette-la-moi dans la cale. Et vous autres, attachez son voilier au bateau. On vendra tous à notre prochaine escale. Un pirate puant attrapa Yana par le bras. Il ouvrit une trappe et l'y jeta comme un vulgaire sac à patates. Elle se mit à pleurer. Les pirates, eux, laissèrent éclater leur joie. Pendant toute la traversée, il ne se passa rien. Pas un abordage, ni un combat contre un monstre marin ou même une tempête. Yana eut tout le temps qu'il faut pour se détester. À cause d'elle, d'horribles pirates allaient devenir les maîtres du monde. Au bout du septième jour, on jeta l'ancre. Certain qu'il allait devenir le maître du monde, Pat le Borgne offrit à ses hommes une fête d'enfer avant d'aller chercher la Rose des Vents. Le silence d'une soirée bien trop arrosée ne tarda pas à s'abattre sur le bateau. Quelques instants plus tard, la trappe de la cale s'ouvrit dans un léger grincement. Nolan, le jeune mousse qui l'avait fait monter à bord, apparut. Il lui jeta une corde. Yana le regarda, stupéfaite. « Bon, tu viens ou tu préfères que Pat le Borgne règne sur les mers ?» Une fois sur le pont, Nolan lui tendit la carte. « Mais pourquoi ?»« Je t'expliquerai plus tard, viens !» Ils se faufilèrent entre les pirates cuvant leur rhum pour arriver jusqu'au Haut-Oro. La pirogue s'éloigna sans un bruit. Une fois à bonne distance, Nolan brisa le silence. « J'ai toujours rêvé d'être pirate, mais franchement, revendre une enfant comme esclave, ça se fait pas. » « Et on va faire quoi maintenant ?»« Récupérer ton trésor. »« Et après, tu vas me le voler. » « Pourquoi je ferais ça ?»« Bah, t'es un pirate. »« Qui vient de te sauver, je te signale. » »« Comment t'as fait pour prendre la carte ?»« Quand le capitaine est saoul comme un cochon, même un coup de canon le réveille pas. Alors c'est facile. » Ils accostèrent sur une île qui n'était rien d'autre qu'un gigantesque caillou. Impossible qu'un trésor y soit enterré. « Et s'il était caché sous l'eau ?»« Mais oui ! Mais comment on va faire pour le trouver ? Faudrait qu'on puisse retenir notre souffle super longtemps. »« Ça aussi, ça va être facile. Regarde !» Des tas de méduses luisantes remontaient à la surface. D'après Nolan, elles permettaient de respirer sous l'eau. Non sans dégoût, Yana enfila une méduse sur sa tête comme une cagoule gluante. Un liquide visqueux lui remplit les poumons. Elle eut l'impression d'étouffer, mais se rendit compte qu'elle respirait normalement. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs marines, si loin qu'ils ne distinguaient plus la surface. Le silence et les ombres les enveloppèrent. Heureusement, leur méduse émettait une faible lueur. Brusquement, Nolan s'arrêta et pointa du doigt la paroi. Des algues scintillaient comme des veilleuses. Elles marquaient l'entrée d'une grotte. Le cœur battant, ils pénétrèrent dans une grande cavité au centre de laquelle flottait un joyau étincelant en forme d'étoile. La Rose des Vents. Émerveillée, Yana la prit délicatement. Lorsqu'ils remontèrent à la surface, des cris de colère leur glacèrent le sang. Des canots chargés de pirates furieux s'approchaient. Yana et Nolan se hissèrent dans le Haut-Oro. Pat le Borgne beugla au matelot resté sur son bateau de faire feu. 5 boulets fusèrent. Yana se recroquevilla, serrant très fort son trésor. La Rose des Vents brilla. Aussitôt, un vent violent balaya les projectiles. La peur pétrifia la meute de Forban. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Et si on commençait par s'en aller loin d'ici ?» Yana ferma les yeux. Le joyau brilla à nouveau et la voile du Haut-Oro se gonfla pour les amener vers de nouvelles aventures. C'était une petite histoire de Mathieu Jeunel, racontée par Karine Texier et Arnaud Guillou. Vous l'avez aimé ? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. À bientôt !